le son rauque de la corne de brume. J'étais entre angoisse et espoir devant la suite du voyage. Je scandais son nom en silence sur mon pas dans les brouillards. Impatient de la revoir. Peut-être de reprendre sa main et de lui dire des bêtises. Chaque instant me menait vers elle, bercé par le cri des mouettes invisibles. J'avançais dans la gouerce lancinante de cette merveilleuse folie. La veille,